Témoignage de messieurs Poncin, Victor et Florent, nés respectivement en 1901 et 1903, manœuvre et agriculteur. Tous deux de Latine. Ce témoignage a été recueilli au mois de mai 1980 par messieurs Dechaine et Mikils. Quien de bonne allée avec Atoche, on laisse tout serrer, hein? On a une harmonie. Tous les deux sous la voix. Tous les deux, ah oui. Ah oui, ça. Ça s'est passé toutes les guerres comme ça. C'est ça, on n'allait plus à l'école. On n'allait plus à l'école. T'as un temps de l'hiver, qui joue quand j'ai quitté ma voile, quand tu savais travailler, ben on allait à l'école. Mais on était en retard, hein, et on ne savait plus sûr. Voilà comme ça, c'est tout. Pardon, vous avez repris une petite scène. Mais il y a vu, oui, après ça, il y a eu 30 ans. Et qu'a fait? Il a fait le cultivateur 17 ans. Mais devant de prendre des scènes, alors. Ah, devant, oh, il y a tout. Travaillé à moulu. Il y a tout moulé à mon estor Martin. Après, il y a tout servi le maçon. C'est juste une autre guerre, si tu en partais les briques à dos, elle me tire à ce moment-là. Vous, vous nous haïs et on boit. Et puis après, il y a ce papetier au dent. Il y a ce fait des papilles. Et puis après, il y a ce soldat. Et nous, des soldats, on a venu à l'Orèche, à ce moment-là, on a venu à l'Orèche en Popolé. Il y a ce travail de 26. Et j'ai pris cette veille d'été, jusqu'à ce qu'on avait assez pour s'en compte. Il fallait faire cette erreur le dimanche parce qu'on est venu à l'Aïva dans sa main. On bricolait comme ça. Et on va se faire vivre. Il a fallu travailler une aide. Ah. Et votre frère? Alors, c'est le même. Non, mais il n'en est que le même. Mais lui, il se travaille après. Parce qu'il a servi les maçons. Pour aller chez le docteur. Mais c'était lui, il n'a pas su qui c'est lui. C'est ce qu'il est déclaré. Il est plus ancien, il mourit. Ça fait que moi, c'est d'ici d'aller travailler à l'Ouvienne Grève-Marie-Hel, dans le fonderie. Et là, il y a mouru 13 ans. Et puis, il n'a plus voulu mourir. Je suis trop dur pour lui. Il est une infélacie. Et... Bon. Parce qu'il fallait appointer les fentes pour le cubino. C'est pesant, ça. Des bouquets de ciel comme ça, un huile sur la roue. Il fallait se casser. On a eu une molette là, comme ça. On allait prendre les fentes qui sont sur l'avant. Et fait une flèche pour soulever les deux sièges. On pète comme ça sur une molette. Et couper vers lui. Mais il fallait bien la pisser. Le diable? Ah, j'arrive nous à eux. Et dès le secondaire, on vit camarade, il vient travailler avec eux. Tiens, on a vu tout là, ici. J'ai fait un tour. On vient de faire un peu l'un. Il voulait mieux travailler pour lui, il était l'entrepreneur, assuré. Oh, pourquoi non? Et il y a ce tout. Je ne travaille pas. Comme touché maçon, là-bas. Tu as touché le maçon. Et c'est plutôt dire que vous êtes à vous? Ah oui. Ah oui, je suis côté des pareils. Mais ça n'a plus l'air de rire. Non. C'est l'un des entrepreneurs qui arrive en France, là, une Maureen Charles. Ah, une Maureen, là, ah, oui. Une Maureen, quand même, les mais oui, je suis un entrepreneur, elle fait dire. Ben, oui, c'est ça. On s'est su Peters, Désiré Peters, et Marner. Et après? C'est toi qui n'en est, sous la peau près. Ils vont guerre 40, tu dis. Oui. Ah oui, aussi ils vont guerre 40. Hein. Ah, puis, après, quand il est arrivé, il a sous-travaillé pour mon Saint-Cyd Fala, à Moussé. Parce qu'il n'était plus aimé. Mais je suis collé, oui, à l'origine du Grey, il est bon ça. Hein? Quand il est arrivé, donc, Quand on est travaillé, on s'emmène sur deux, puis on n'y arrive plus. Au gré, sous-là. Ah oui. C'est une crise. Mais je t'ai voulu dire, non, je t'ai voulu dire. C'est une cause des guerres qui n'avaient plus de vrai. Si, ah, si, on n'avait plus de vrai, j'y allais. Ah, mais on s'y allait, ça tourne des ronds, pas par deux. Ça fait, je me suis plus content de ça là, mais il fallait faire. Ou à demeurer une 5 minutes, 2 chars, et puis aller là. Et ça, et puis ça se tourne. Puis là, quand on pis, le train, l'ouvre, on arrive une cabane, il y a sur les ouvrages. Et en deux, il y a une métal. Jag blev truvat, då jag hade bjöss. Jag kvart tror jag korset, att jag gick i fänsigt. Jag syns du en petit sens på... Nej, jag har en små håll. Ja, jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Ja, jag syns jag blev. Ja, jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Jag syns jag blev. Jag Och okay, jag har en fornid på mig, bara en dostras på mig. Jag har en ny buss samman. Jag måste också på sig, så jag vill stå mig i vart och vilken ut. Jag har haft mig så liv. Man har tiff negra och jag har butik, no? Man fiff molle le grän, så det är det? Molle le grän, så har vi molle, no? Så aldrig så. Det är en del grän, så är det du per... Man får liv, så är det en bit för liv. Ja, ja, ja. Man får sig kachin. Så är det det. Och kachin, för att det får lära sig om vår liv. Och så vill du dröja... Det var 5 kilo per mjön här i sig, på operi, men jag nämnde tusen gånger. Och då har jag frukat rånd ut. Jag går nästan ner i Göteborg. När vi kör i Vietsch, det är Bosch, ditt allergi? Ja, när vi kör du allsens. När vi har min bebé kan inte hyr. Du sa premier gear, så? Premier gear? Ja. Det är hänt i styr. Vi gjorde fem av karamål. Ja. Över. Vi må ligga fem. Ja, men det får vi. Över. Men så är det allmån vid dig. Ja, det är allmån. Vi vill göra med jobb. Innan vi kör alla till. Innan vi inte kör till plocka med sig. Kan vi det resista här, Charles? Så var innan vi med. Innan vi var där staske gick norsk. Ska jag säga att det är haffel, Charles? Det? Det är haffel. Ja, nej, det är allmänt fri. Ja, vad du kör ner 43, Charles? 43 hemligt då, 42, så det betyder mig. Så betyder mig, då vi kör ner vet jag om hon är. Okej. Ännu så har vi ramassit upp, ett helt här. Det gillar mig. Jag vill lära, det är galjärt i passin, Charles. På din mat. Jag fick mata, så stöd jag här. Det är nog det gör. Men vad vi tycker är det som är det. Sen är det så att jag vill lägga champet med. Men så stöd den ur. Den ur kan vinna vore det allmå. Det är gatt mål av det. Ja, det är en mat. Det är en kväll. Det är en sån här vet. Det är på kväll. Var har man sig det bond i det stöd? Det är inte det bond i. Nej, det är bond i. Jag har inte med mig med mig. Men så stöd på... Sen ville vi ett på prät le sig vi har med blanche på va. Man för det. Men då var man stod i alka el pudier. El cour de motonola a di glis. On no dara ma sito che son la, è una pasiche che tu era a restriction de l'homme, eh. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Mais il y a eu en plat culture comme on dit. Et si que le plat culture Det är chapi, det är flätter, det är en stund av lärd voli. Men det vinner man sig så konstigt, du kör. Det vinner man sig Louis Jagl, Alfred Regimon. Hon vet att det är så att ingen kan ha det. Albert Hain. Det måste ta hög. Kiju. Vi har en varlagia nu, vi har vinner det principala, kom för det. För att det är inte kan ha vinner Lovrich, kör. Vi har det här väl bäst, eller hur? Et les stigmates en allant à l'Allemagne, où n'y arrive n'est-ce à des ponts qui pleuvent pour vous carrer pour la vie jusqu'au bain qu'on a vu un homme qui savait s'expliquer à vous et à vous ne signer. Ça fait vous à l'Irge, mais les autres, et vous à l'Allemagne. Il y a des signes sur les chars. Témoignage de M. de Croupette Julien de Mons, né en 1910. Témoignage de M. Poncin Victor et Florent, né en 1901 et 1903, Manœuvre et agriculteur, tous deux de Latine. Ce témoignage a été recueilli au mois de mai 1980 par messieurs De Chêne et Mikkels. Le temps de rien n'avait plus de fièces. Oh, il n'y a pas ce que c'est. Charles à Rosnay, une fièce différente de la Latine ou bien c'est... Différente de la Latine, c'est juste. Parce que Charles, tu te dis tout en hameau de Latine. Mais tu es fouillé différent de la Latine. Oui, c'est juste. Parce que Charles, destin là, je ne me rappelle pas, mais maman m'a déjà raconté ça. Il a vu des seigneurs, Charles, à Alsace. Il a vu comme une tour de Valtin, là, non, comme genre de monastère dans une île. Eh bien, j'ai studié monsieur de Rosnay, et j'ai studié d'Azel Rosnay, venu de Latine. Et après, ils ont lié les bains, ils ont bain la route des ponts, ils ont chalon, quand on le tire, c'est studié pour les pauvres, alors ils ont voulu pour ça, le gâte. Il avait lié ça pour Rosnay. Mais Latine n'avait rien à voir, ça, là, c'était là. Ah non. Et n'a-t-il des rivalités entre Latine et Rosnay? Non, peut être tué. Peu être tué. Et di Vostin, quand vous êtes... Ah, di Vostin, bien sûr. Parce que nous allons à l'école, nous ne battons que vous les gamins de latin. Dans le frontier, c'est là où nous gagnons au pont. Et on revient de l'école, la ville, on se cahouille. On allait faire l'école ensemble. On allait dans la même école, ah oui. On a vu une école, déjà. Et il n'a vu des clans, alors c'est le clan de latin et le clan de latin. C'est ça. C'est ça. Et quand on allait faire un bal, c'est que pareil. Mais justement, un bal. On peut dire qu'on peut plus d'amusement, là, ça veut. Parce que quand est-ce que on comprend des amis, on est votre camarade, hein. Mais, à ce moment-là, que tu gagnes, c'est le même. C'est le même. Comme des grands feux, par exemple. On ramasse sur la grande fagot des diables de Strain et compagnie. Et bien, nous allons à la Latine, à l'quête pour les grands feux, ainsi. Et quand c'est que nous estimons que nous risquons les îles de Latine qui viennent les 14, ben, c'est tu. On se ramasse sur ce fagot, donc, à l'eau des. Eh oui. Tutti uno di stare, sei con ragione. Quella che mi sale fa stella. E non spiegare di farsi un calore. Ah, lì so solo, lì so. Non spiegare bene, non spiegare bene. O nessuno si nervi con Astur. Perché Astur è un vic, ma è fatto da lì più vite, Ma al tempo non può dire che tengo come neve. E non sono lì, non è così evoluì, si fu che ciò. Spiegare bene, io. Un petit code d'autres rivalités sont que nous devons qu'on être des vieux. Il y a une peste dans l'Astur, il y a une peste dans l'Astur. Mais tu vas bon, non, à part ce petit hameau, ça l'a voulu l'attendre, mais reste... Non. À vous brève, il n'a pas non, non, non, ça n'arrive pas, ça arrive. Vous fait mal. Et puis, que me veux dire, de ce temps-là, on est situé avec le vieux, et on arrive pas seulement vers le vieux de nous. Parce qu'il fallait faire la pie. On a vu des villes, on a vu rien. Ça fait pas de la chasse à fumer, quand on est tout net, puis oui, on a été au 16-17 ans, puis on y allait, mais à pie. Et revenait à pie. On arrive tous ceux. À deux, trois, quatre, comme ça. Parce qu'il fallait faire la chasse à, comme je vais dire, à Saint-Jacques-Hanou, par exemple. On est là à pie. Hein. On allait faire à dîner, on allait faire notre. Il fallait faire la rue à pie. Qu'est-ce qu'on allait faire à vue? On pouvait y lever parce qu'on allait mourir. On n'allait jamais. Oui, on veille, on le veille souvent, mais on, peut-être veille comme on allait venir. Ça fait qu'on y allait à pied. Qu'on allait faire bien, hein, oui. On y allait venir de pour se plaisir. Et à Lige, est-ce qu'on y allait? À Lige, on allait. Tout vivre, il y a ce toit à Lige. Et vous, c'est tout à Lige? Il y a ce toit à Lige, on coupe à l'air au plus tard, il n'est pas mieux. Pourquoi? Comme l'oreille, il y a une abcès à l'oreille. Il y a mourir là, on mourir. À la vieille? Non, à la vieille, non. Et sinon, on n'y avait jamais su? Jamais su. Et à eux, il y a ce gros secteur, ce bon communion. À vous, man, c'est que j'ai sorti. Et à Marchide, on y arrive, mais? Non. À moi, il y a ça dans la guerre, c'est vrai, on y arrive. Dans la guerre. Mais, quand ça dit toujours là, il n'y avait jamais stable, ça. C'est bien lui. Il y a eu 20 ans qu'on y a été et il n'y en a jamais été à Bruxelles. C'est Constantin. Ah. Dites, Charles. Oui, c'est dans le bord des brefs. On peut relire le train en bref. Non. J'ai consenté mon téléphone. Aller-retour. Aller-retour, 50 centimes. Mais pas aller à rue. On peut relire le train à vous. Ah oui. Ah. Quelle gare avait-il, dit Charles, jusqu'à U. On passait pour Kevillage. Oh, on parlait des enfants, non. On arrive plus, on arrive dans la brèche, si tu peux plus. Hein. Oui, pour aller à U, on perdait la chaleur. On arrive sur Foumal, en train. Foumal. Foucouin. Moha. Puis Stat. On s'en arrive à Stat, on va aller berver à pied, mon plus. C'est ça. Un petit dénom, mais tout pour les Villages aux alentours, des sobriquets. Nenni. Moi, je me dis, t'en aimais, c'est ça. Oh, Foumal. Je te fous mal. Fou quoi, je ne suis pas aidé à ce homme. Ah oui, ça. Tu n'es pas quoi. Tu n'es pas quoi. Oui, Moura, c'est tout. C'est tout Moura. Oui, Moura, Gustave. Non, les laisse. Et un fies, qui n'avait le petit Charles à Rosedin. Il n'a vu des carousels. Des carousels. Ouais. Il n'a vu que tu qui n'as vu de carousels. On était en Charles en Beauvais, voilà. Un château de bouteille. Et donc, on dit le magasin Pinchot, là, c'est pour ça que vous discutez. On a vu un petit plus, là, on a vu un carousel là aussi. Et les gueux, tu vois, les gueux à bon, bon, ça, ça. C'est-tu des carousels, c'est-tu des galopants ou bien c'est-tu. Il n'a vu un galopant, qu'a vu M. Charles. Et l'autre, c'est à Tienne. L'autre, c'est à Tienne. Et ça coûte Yves-Tigre? Oh! À Saint-Là, tous les signes, des gamins, il fallait qu'ils font 800, comme on dit, 2 centimes. Vous allez aller mon tour. 2 centimes. Ouais, vous allez faire le fiasse, vous avez 500. À ce moment, moi, j'ai vu 7-8 ans, par exemple. 500. Hein? Vous allez coller pour 800 de boule. Non. Et on va aller faire les respirateurs. Et ça se pratiquait pour les dîmes. Les dîmes. Les dîmes et le lundi. Il n'y a plus d'un co-fies. Si, on faisait comment petit peu le fies, c'est ça. Qui fait-on le lundi? On fait dans les jeux populaires. C'est ça, j'ai des jeux populaires. Quelle sorte de jeux est-ce qu'on fait? On collait le terrain en berouette. Ça veut dire ce que je veux dire. Oui, on mettait 3-4 ans sur la berouette. Mais il fallait les tuer. Il fallait 5 houtes. Et on berouettait, on faisait des escarlats et des pneus. Il fallait que tout le terrain avec pour gagner le premier. Et qu'est-ce qu'on gagne? Oh, j'avais 500 ou 10 ans, ça dépend. C'est tu descends qu'on gagne. C'est tu descends. Et qui vive-t-on? Qui vive-t-on encore? Et puis, on montait sur le piste. On avait emploi une piste de 4-5 mètres. On l'avait avec des savons. Il fallait que ça aille dans l'alcopette. Qui n'a vu dans l'alcopette, non? Mais si vous êtes dans l'alcopette, vous êtes le premier prix, vous avez 500 ou 10 ans. Ou bien, on peut faire une brioche à l'Alphilias. Et on m'a dit, Hany, je le brèche, vous savez, lui, pour ça y est, d'être Hany Dieu. Ou bien le bouli. On faisait un plat de bouli. On a vu un casse-cossier là dans le taf, le tchal, à où les ouïes, lui. On se passait les couilles de bouli. Mais, hein, vous savez l'affaire, hein. Et quand j'avais bête au fait, non, qui perdait le plat de bouli, il s'est fait arriver à l'autre. Et puis il a vu des plumes. Elle a d'abord eu des plumes de poils, elle a vu tout, il a des poils pantiers. Ça va, il était un pouillou, hein. Alors, coup, et coupé, c'est ça, coq. Ah, et coupé, c'est ça, coq. Mettez les coqs dans une branche. Et vous étiez fouillés, c'était tout, hein. Et on allait à une selle, à les ouïes, et on s'en était après. On se retournait quelque chose pendant un œil, et puis au Saint-Avre, au Saint-Avre, il va y avoir 5-6 fois le branche pour que nous ici. Ainsi qu'il coupait le tiers, ça roule le coq. Ainsi qu'il coupait le tiers, ça roule le coq. Ainsi qu'il coupait le tiers, ça roule le coq. Et tu vois, ben, il coupait le coq. Tu vois, boulet. Thank you. Suite du témoignage de M. Pont-Saint-Victor, manœuvre née en 1901, et de M. Pont-Saint-Florent, agriculteur, né en 1903, tous deux de Latine. Ces témoignages ont été recueillis au mois de mars 1980 par MM. Dechaîne et Mikils. Plus que de l'agroche, mais on vient y faire des nuits sombres. Je suis ici, j'ai arrivé plus près. Qui a ramassé le sang? Il a ramassé le sang. Ici, qu'est-ce que le plus près, c'est celui que ma fille, le plus mis. Où la ma fille, on l'a vu faire l'art, il a vu les pays, où l'a cru. Est-ce que tu l'as cru que le plus mis qui faisait fléchir? Qu'est-ce que tu peux perdre, voyons? Ramasser, si nous nous disons au coin, et les marifles, et ramasser, je l'ai cru. Les deux reins, maintenant, oui. Réveillez les mêmes affaires, des canons n'ont pas peur. Ah, voilà. Qui a vu le carnaval, Charles? On a fait une, mais on a déteint, c'est une ordre. Ça se touche en 20, 25, sûr. Je veux tout, je veux débattre de falloir de faire ça. Louis de Bâti. J'ai vu tes moitiés de carnaval, même de belle, j'ai dit. Chaque Saint-Cyr, j'ai fait moitié. C'est leur premier de le marha, l'autre présente les cultures, on bâtit par Floyas le tchard et tout. C'est du bien fait, j'ai dit. Et puis l'autre, que je t'ai dit, j'ai vu que ce bramé de tchard, j'ai dit, mais. Et ça se passait le 15 jours. Des dimens. Des dimens, quels dimens? Divan, le carême? Ou bien le dimens de l'État? Et... Non, non. C'est juste à Valpin, c'est juste à vers le mois de Gingelet, ça. Ah oui. Vers le mois de Gingelet, ça. Et donc, n'est-ce pas que tu vois, il va chaque jour. Et à mardi fort, est-ce que les gamins vont briber, ça? Peut-être pas fait le grand vœu, à ce moment-là, oui. N'est-ce pas fait le grand vœu, là, le matin d'Ina. Un broquette, comme on dit. Ah oui, oui, un broquette, c'est juste le mardi gras. Et on a fait ce broquette-là qu'on a vu, oui. On l'a fait, celui-là? Oui, on l'a fait tout. On l'a fait tout. Et les gamins de Rosden, ils venaient à Latine, à Don, pour faire celui-là? Et de Morina Rosden? Oh, il y a le pain, ça oui. De Morina Rosden. Morina Rosden. Ce qu'on arrive à la tine, c'est qu'on est bon baptême. On finit de nuit de chant, de quitter un cloche. On dit Philippe Turteau, ça là. Vous avez vu, qui sont qui nous disent, on est là. Philippe Turteau fait y aller. C'est une margaille pour ramasser les sons. Non, on est des copains, les gars qui là. On s'arrête de venir, oui. Je vais même sur le dos ramasser ton âme les sons. Oh, il va avoir des affaires, comme ça rappelle. Ça veut dire stupéfié, Charles. Oh, pelleté, oui, ça, non, Dieu, ça, là. On avait un peu le malheur de se marier. Né nos autres, dit. Mais il y a déjà stupéfié, mais. Ah, oui. Oui, oui. Ah, mais né pour nos autres. Ah, pour nos autres, né, puis. Vous en avez pelleté. Non, puis. Mais je suis mort, ainsi, je suis mort. C'était mon camarade qui s'est remarié, il a mis un étendant, on est. Il fait tout le million de ça, oui. Il n'est plus content qu'on perde, là. Pourquoi? Mais... C'est plus bien, pourtant. Oh oui, là, ça fait bien que la livresse. Mais enfin, il n'est plus content quand même. Mais si tu vois des scrapouts dans Marnef, on a vu déjà publié en bas. Et on se ramasse tout le temps. On a dit, c'est bien sûr qu'il en a eu à perdre au score. C'est qu'il va se faire. Il dit, parce qu'il est le premier à perdre une autre. Dans la longue tremblée aussi. On se ramasse. Trompette. Kovic est autour d'affaires. Et voilà, Marnif. Mais il faut savoir qui c'est tu. On a vu des automobiles à Monganor, elles courent parce qu'ils sont déjà fait crever les pneus. Voilà qu'il y a un coup dans le mahon. Mais le mot revolver. Tu sais, revolver est spot. Il va l'amener à ville. Et il démarre. Mais n'est-ce demain les freinets? Peut-peut. Peut-peut. Et je dirige, je te dis, puisque les brestis. Puis on arrive là, peut, il tournait, il va aller jusqu'au verre là. Et il s'est vu de trouver. Mais on prend ce verre, pas en colère. Il n'a plus qu'à bouger, ça lui dit qu'il y a là. Pour finir, voilà, j'ai vu tout le couvrement Ganour pour prendre le château. Il est pointé le couvrement Ganour. Voilà, Maria, j'ai vu Ganour. Ganour qui dit, c'est bien que j'ai dit, je vais se foutre, je vais te faire un chal de style, mais voilà, j'ai le couvrement Ganour. C'est dans l'instant grave, mais enfin, elle est venue vous donner même des coups de poing quand même. On a copelté à ton même. Ah oui, c'est là, on a continué, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, oui. Et on papille, il faut secouer. Dans José, dans le monde, tu peux. Dans le monde, ah oui. Oh, on peut dire qu'on perd le dirou, et puis, devant, on prie. Ça sonne, là, en fait. Le maho. Bon. Et ça arrive de terre, on va pas dire qu'on vit tout de suite. Quand est-ce qu'on arrête de pelleter? Comme cela, on joue, on n'y arrive plus, ou bien il n'a vu. Vers ce moment-là, on est tenu que tu es ici par les gens d'Anne, parce qu'ils comptaient qu'on réclamait, hein. Qu'est-ce que tu dis, hein? C'est déjà trop tard pour partir, mais on s'arrête de n'importe quoi. Les gendarmes viennent encore avec vous. Et puis ça vient quoi? Il n'y a rien. Il dit, un petit cousin, j'ai le pire que vous partez pas se frire. Il n'est justement trop juste, il n'est pas comme nous. Mais enfin, on dit, Paul, que tu viens partir avec nous? Oh, il dit, et qu'au vieux, il dit. Près du vieux. Mais il a vu une fin comme moi, ça voulait deux gendarmes de latin. C'est du chauffré. Et voilà, on s'est vu là. Et il a eu peur, il m'a dit que les poules fous dans la brigade. Poules fous le camp, une nerveuse bohème. Pareil, voilà, on a l'air entre les bohèmes pour rire un coup. Il a dit, monsieur, il est aussi. Combien que tu Combien que tu Ouais, il a fait un défaut, il a fait un défaut. Il ne ferait plus, il ne ferait plus, voilà, il ne ferait plus, il On vous a vu courir, vous. Est-ce qu'on vit chanter les coqs, Charles? Ah oui. Est-ce que Charles a un café plus bas là? Comment est-ce que ça arrive, celui-là? Ben, il y a eu grand trahi de Guillaume, il y a eu tout de sur 4,40 louches, et on mettait 6 coques de vin. Et on misait l'autre à 20, l'autre à 40, et l'autre à 5, ça dépend de ce que je coque chanter. Mais ça allait de meilleur. Et on est tous chaleux là dessus. Et on peint les coques. Chaque coque qui chantait. Mais qu'est-ce qu'il gagnait? C'est le coq qui chantait le plus? Ben, nani. C'est à peu près, à peu rapproché. À peu rapproché, c'est-à-dire, il n'est pas si haut. Vous mettez votre coque à 20, c'est le meilleur, c'est quand il y a 19, c'est bien baisse. Parce qu'il faut être juste, il ne veut pas être trop. L'autre, il met à 5, il fallait qu'il chantage à proche de 5. C'est le meilleur. Et vous, bien sûr. C'est ça. Alors, c'est qui nous met juste? Ah, c'est certain, monsieur le premier. Très intain, deux versions, très intain, mais rare. Est-ce qu'il n'a vu qu'il essaye de tricter à ce dieu-là? Ben, on l'a entendu ça, il est tricté. Hein. Comment fait-on pour tricter? Ben, parce qu'il a vu des. Comment on va dire ça? Des contrôleurs. Il a vu des contrôleurs des clubs. Qui passent comme ça pour lui, c'est la vidéo qui marque un coup de plus ou un coup de moins. C'est votre coque que je t'emporte, après ça, vous pouvez pas un coup pour le fusil. Il fallait un esprit parce que vous étiez raillé dans vous. Alors, que mes compagnies trichignent. Mais il fallait que vous puissiez le terrain, quand vous voyez les qu'est-ce qui se réalise. Il fallait entraîner ce coq pour chanter ou bien. Ben, pas bien fier à l'attaque. Il fallait mettre les coqs, elle me rend. À l'ouge, vous dites devant l'ouge, on a vu deux streux, vous les saillez. Et vous mourrez en demi-heure, vous les contrôlez, on peut les essayer qu'est-ce que tu réguliers, ce qui est à même près. Et bien, c'est là, on va saillir. Ou bien, on essaye de. Alors, on peut les cuver une nette à peu près ce qui est couvré. Et puis, on a décidé qu'on a des spécialités pour les souiller. Faire un happy en coq, par exemple, à matin, pour aller chanter. Happy en note, mettez-le le cave, pour qu'une chantage n'ait des ventes à la concours. Et puis quand on arrive au concours, c'était à vous. Allez, je l'essaye. Et on vient dire vraiment descendre. Mais vous pouvez les mettre sur vos volets, hein. Les mises, c'est tu autant, par exemple, bien sûr, peut dire les mises qui bien que c'est tu, mais c'est une perse, l'obligation. Et puis vous avez pris un coma comme là. Pour un, pour deux, pour trois. Tant que vous descendez, parce qu'il arrive jusqu'au big motor comme il voulait mettre. 200 francs sur votre coque, que vous n'aurez pas où, parce qu'il n'y a rien de précis. La dépense, on vignette de ce qu'il mettait. Et c'est tu les gens des villages qui viennent. Oh, mais dans un entour aussi. Oui, il y en a des gens qui viennent. Oui. Et puis on chantait à Latine, on chantait à Foumal, on chantait à Marnef, on chantait à Brève, des destins là. Et on allait faire vos coques. Onco à Brève, onco à Marnef, onco à Foumal, mais on restait tout dit. Ça dépend, parce qu'il arrive quand même que vous mettez des coques à l'ouf, pas chanter. Et là, c'est le vent de sale. Il y a une différence de chant, là. Ils chantent moins sans demain qu'à l'ouf. Voilà. Ça dépendait son petit pot des coques. Ah oui, des coques, qui m'avait dit. Hein. Et on peut laisser qu'à clef ses coques, il dit c'est là une fois venu dans la main, comme de la louf. On peut le dire. C'est ça. Est-ce qu'on les fiche battre les coques aussi devant le coin? Alors Charles, non. Charles, c'est tu rare. Puis faire devant le flamé. Là, on va dire. On avait moins vu, ou quoi? Il y en a déjà vu, oui, il y en a déjà vu battre. C'est interdit, évidemment. Une campagne, moi, d'aller. Elle campagne. Mais comment est-ce qu'on s'épile, sous-là, qui n'a pas vu. Oui, mais les. Comment on va dire? Les hommes qui sont faits pour ça. Ils savaient bien ce qu'il fallait faire lui, et ils savent déjà qu'on fait l'autre. C'est secret parce qu'ils n'ont déjà pas qu'on en allait. Après lui, quand on matin, c'était vous, et c'est sa compagne. C'est déjà toi sur lui, qui m'est sur le corps. Des trucs de vascou, t'as le nom. À moi, inflammé. À moi, inflammé, oui. Zéro, c'est tout de battu. Avec Charles, un coton. Mais il avait décidé de Charles Cali, là. Calif a voulu le coq ou bien Calif a voulu le coq. A voulu le coq. Il avait enclenché le grand rupte, hein. Beau man, un beau man. Battez-vous tout à coq, lui. Tu puis. Le dimanche matin, c'est ramassé, il fallait le battre. Il avait deux trois coqs qui se mouront. Mais avec Charles, il n'a pas eu battre les coqs parce qu'il avait une trochon sur moi. Mais maintenant, la femme, il te dit là, on bat. On le fait quoi, lui. Fait coup. Mais on s'y intéresse, non, parce qu'on en est fait pour raclever ces coques-là, d'une si c'est une manière spéciale de les acclever, alors, c'est quoi? Ah oui, parce qu'il y a des appareils de coques, pas tout. On est là, vous. Et il faut rendre agressif. Ah oui, ça. Ah, oui, ça. Il met des sporons de cire. Hein. Il met des sporons de cire, parce que c'est un chef. Mais l'autre, à vous, pareil. Oui, vous avez des péceptés en kilo, ils l'ont mis le tour. C'est Charles, il arrache les coups, il s'abâche, et puis, rah, il replanque. Hein. Ils l'ont des tours de diable, ces coques-là. Et depuis ça, on a déchanté. Vie pas prendre de vie, hein, Victor. Oh. J'ai vu ça. Et c'est le même principe qu'il les coques, même principe, même principe. C'est du coup en coup. Parce qu'ils ont un chant spécial, là. Mais il fallait qu'ils tâchent les chants régulièrement. Comme il disait qu'il chantait, c'était beau, je l'ai en cours, ça. Mais c'est le chant de pisse, moi. Oh, voilà comment ça allait, destin, là. Nous sommes cinq, oui. Je dis, non, nous avons de trouver dans le monde. Parce que nous avons travaillé trop fort, là. Et on a resté à l'école, voilà le mal de moi. Et là, oui, si tu as resté à l'école, nous ne serons plus qu'à deux personnes, faut-il dire. J'explique comment vous voulez, mais ce n'est pas le même affaire. Je sens que ce serait mieux de venir au monde à ce qu'il vous tient. Ah oui, mais pour ça, je conseille. Quand on commence à ce tour, il y a moins de 20 ans, plus tard, c'est lui. Et puis, ça, on va plus tard, il y a plus qu'un reine Arthur, il y a plus qu'un reine d'Adam. Oui, gagne très... Tous les ouvriers sont bien payés, Arthur, mais Adam. Quand il a fini de travailler à travaux, il gagne 36 francs par jour. Il fallait tout. Bon, ça prive vraiment des affaires quand même. Aujourd'hui, on s'y prive peu. Però non vedo, non fa il gemme se non lo vedo. Però non lo vedo. Non sto un po' notre. Mi vedo, non le vedo se di me. Non sa, non mi so la vedo che scontra per io. Un dimensione stiamo, un dimensione salute, e un dimensione che fa le frasi entro la mente quando è arrivato un amico. E vado a risultare, se non mi sa che non, eh? E ritroviamo il mio amico. Ne, mi si sto lì. Ritroviamo il mio amico, mi pare che io vedo questo. Il treno, il tunepo, le ore, questo. E io le ho visto lì. Attacca 6 ore, riesco a 2 ore. Qui il samento apre 2 lisci, e poi il samento apre 2 lisci. Ma già venuto al mio velo, io ero venuto a me. E voi fate le fabbricazioni di pasta a Papin? Ah, oui. Ma è tre marcine là. Se mi devo fabbricare le bea, dovrei tenere veramente somma, le femme. E vi bel mettono le femme che trovavano, le bea Papin. Fare quello che avevo. E fa la vita, eh? Quando lì fa gli sciucchi, perché non ho letto di niente a portare, non dormi fuori. Fuori un po' più da più il tè. E non gli era sciolto. Quando lì fa il primo treno ci sta 20 minuti per sempre, no? E non lì del pulimento d'acqua. Ma che signore? Io ne avevo 4 ore, mia mamma ti dice le tate, mi restino in 3-4 anni, mi restino 5 anni, con figli le tate. Ma se gli andavano io pure in suo stato, mia mamma lo sapeva lui, che lo sono dico, perché vuol dire che lo fai a tate, e sapeva lui. E questo è il mio qui, la metà di un tino in nero, no? L'era con già un bambino qui, un bignet pure nella rete, se no. Gent'anni fa, ho vinto il medico, e no. Poi, a 20 minuti per sempre, si è levato io, ma io, e voi, tutti uno, a Pi. Calgo, ora sì. 20 buone minuti a Pi. Se è tutto giusto. Non fare gli specchi. Oui, fare giusto, non mi fio. Poi, da chi ha 7 ore? Sì. Fare che danni tempo, no? E a un'ora, no? Mi sono finito un treno. A 4 ore 10 vorrei, mi sono a Stad, non si può dire se sei ciao, che è lì sul Modena, se no. Ne fiamo più tempo. E poi la vestella, non mi tiene sull'espresso, non tutto. Ma non la trovo a dire. Sarebbe bene l'espresso, se ne fai pure tu, vi. La trovo a dire. Un po' di fna, esti a... No, un po' di fna per l'espresso, non tutto. Perché non devi una buona... Di 3e place. Oh, voilà. Ça fait. Il y a un chino. Il y a un mois, le nom d'un chino. Parce qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens. Oh, je suis obligé d'arrêter. Mais pourtant, il y a une famille de volée d'hommes. Arrivé à la gare de Stade, parce qu'il y a une remontée sur le train. Arrivé à la gare de Stade. Il y a un oncle. Sono dei vetrini, io lo visno. C'è un me che li stimavo, è un ramtif tortù, su pol tren. Allora devo un bureau di chef di gara, i buco con il pugno e qua già fai un ebo che? Ma non è il chef di gara, cari fru. E lui mi sa che si stima, tutto il mondo vuole aprire, subito di rientrare il bureau. Non salvo un me, né l'uomo è, no? Ne primo tre che stimi tu, che mi davano tu. Era te fate male. E poi si, come se mi dire come io. Apre l'espresso, un buon espresso che avevo più di io. E fanno un po' l'indagio del treno. Di buon treno di spazio. Di buon treno, può essere un po' meglio più tempo. Ok, poi quando era la mattina che si pila, eh? Et combien est-ce qu'on paye l'abonnement des trains à ce moment-là? Des millions. C'est la voie à l'eau, hein? C'est vrai. Mais ça aurait pu dire. Il faut 25 francs. Ça aurait pu dire. Jamais, je suis pas sa mère. Est-ce qu'on a vu des coupons, des couleurs, des blancs et des bleus, Nani? Non, c'est tout le même, on règle, ça fait règle. J'ai trois comme ça, la route. Et je suis marqué pour ce qu'on fallait valer, moi. Vous êtes même différent des couleurs, vous, les cycles perdus, puis on tenait en coupons régulièrement, là. Oh! Il y a une couleur différente des couleurs, hein. Vous avez une chose, Dieu. Oui. La vue de rouille, je suis, tout le monde. J'ai un problème en vous, merci, mais ça va rien vous dire. Ah, ils ont quand trouvé le papier de rigodaigne, je l'ai vu à ville. On vit des courses aussi, Charles, le long des policiers dans le commun. Des courses à vélo? Des courses à vélo, policiers dans le commun. Tu sais que je suis amateur, je vais aller, là. Et j'ai vu courir, mais j'ai vu faire 10 tours, les tours de commun, dans la latin. Et le lendemain, il n'y avait plus de cahiers. J'ai vu des gens comme des bois. Et j'ai vu faire le premier. Faut 10. Ou des vélos derrière, des couilles. Pour rire, en fait. Pour rire. Mais enfin, quand même, on a mis bien des gagnés. Mais le demain, vous en studierez, vous arrivez à Montgaudin. Je veux dire, oui. Mais quand les mains de remous, je suis tout. Moi, je suis tout tapé. Au revoir, je suis tout tapé. On est sur le tapis. On passe dans le truc portant pour les studios. Dans le comité de travail, on a vu une école de rebout. Et comme c'est qu'on jouait faire un football, non. C'est une fonction de guerrier, ça, non. C'est une des gamins, une nouvelle, comme ça, des gens, comme ça. Et il n'y avait qu'à rester des hommes qui jouaient, il y avait une vraie ballon. Hein? Mais nous sommes des gamins, nous avons voulu chuter aussi. Et on fabriquait une boule comme ça, là. Tout est bien, là. On a les coquines à faire, que des disloqués aussi. On a vu des sabots, non, à Saint-Lon. On a vu des souris, hein, pas rien du tout. On jouait au football avec des sabots. Et nous jouions au football avec des sabots, dans le bout. Mais, quand c'est qu'on s'est troqué, ici qu'il y avait des gros sabots. C'est comme ils voulaient un bouquet de l'autre. Mais, on paye, non, d'ailleurs. Mais gros sabots, pour enlever ceux qui n'avaient pas aussi, mais. Il y a eu soin de se barboter les mains, ma soeur. Enfin, je vais voir mon homme, mais ma mère, c'est une là, si vous suivez les courses, mais. Il met des dans ma main, mais il met là les miennes. Il va quoi voler juste sur les sabots. Je n'ai juste pas fait une pièce. C'est yo. Vous ne pouvez jouer à football, je me dis, quelle affaire existe-t-il? Thank you.